des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès C'est fou, édition week-end. Bonjour et bienvenue au Palmarès Sifou édition week-end pour la semaine du 23 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de Sifou à Trois-Rivières. Aujourd'hui, on vous offre encore, là, j'ai l'impression de me répéter, une édition spéciale de 3 heures au lieu de 4. C'est la troisième semaine de suite où on fait pas de portion mishmash. Normalement, ça devrait revenir à la normale la semaine prochaine. En deuxième heure, ça va être la portion top 10 avec les positions 10 à 6. Puis en troisième heure, dans la portion top 5, on saura si Octoplot et Gogol Bordello sont toujours au sommet. Je vous présenterai aussi mon segment de découverte musicale L'huile de palmarès en fin de deuxième et de troisième heure. Oh, wow! Mais on commence avec la première portion d'émission et les nouvelles entrées. La rafale et palmarès Sifou édition week-end commence tout de suite. Voilà, c'est tout pour les Palmarès Sifou édition week-end. On se retrouve lundi hein, pour une autre nouvelle semaine des Palmarès Sifou et 4 émissions ce coup-là, je pense. Du lundi au jeudi, de midi à 13h, édition week-end les samedis à partir de midi. Pour Mathieu Plante et moi-même, Tania Baudin, merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end et à lundi!